Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à l'information. D'abord, quelques infos, puis quelques-uns des titres inédits qu'ont prévu de nous offrir les éditeurs en juin. Sur ActuSF, une interview de Victoria et Patrice Lajoie, les anthologistes de Dimension Russie, un livre à lire chez Rivière Blanche. Il y a également l'interview de Jean-Philippe Jaworski dans le forum d'ActuSF. Et puis, l'équipe termine le journal des Imaginales 2010. Retrouvez les enregistrements des conférences, les photos et les vidéos de l'événement sur ActuSF à www.actusf.com. La revue américaine consacrée à la littérature et à la culture française et francophone, Contemporary French and Francophone Studies, prépare un numéro spécial sur la fantasy à la mode française. Il recherche des articles inédits traitant de ce sujet sous toutes ses formes et dans toutes ses ramifications. Perspectives historiques, panoramas d'ensemble, études d'œuvres particulières, originalité par rapport aux œuvres du domaine anglo-saxon, ressemblances et différences par rapport à d'autres genres perçus comme voisins, le fantastique par exemple, influences, médias utilisés, etc. Les contributions ne doivent pas dépasser 35 000 signes, espaces et notes compris. Date limite, 31 juillet 2010. Pour les contacts et les consignes éditoriales, voir le site de la revue www.site.uconn.edu. Jean-Pierre Kay nous fait part d'une nouvelle mise à jour de son petit guide des éditions Fanic francophones en date du 6 juin à www.42.org/pgeff/guide.html. Vous trouverez Cathy, une nouvelle de SF de Christo Pochtakov, traduite de l'espagnol par Pierre-Jean Brouillot à page perso, redignonorange.fr, /jplanck/cathy.htm. Né en 1944, Christo Pochtakov habite Sofia. Il est l'auteur de romans et de centaines de récits de SF et de fantastique. Christo Pochtakov parle couramment le castillan et fréquente les conventions espagnoles. L'une de ses nouvelles a paru dans l'anthologie internationale Utopia 2004, réunie par Bruno de la Chiesa chez l'Atalante. Chez Pop Fiction est sorti Ces messagers venus d'ailleurs. Il s'agit d'un collectif de nouvelles de science-fiction mettant en vedette extraterrestres, anges et démons. Pour plus de détails, voir editionpopfiction.com/français. Le numéro 63 du magazine Présence d'esprit est sorti. 52 pages pour 5 euros. Il s'intéresse particulièrement ici à Philip Joseph Farmer, l'un des derniers grands auteurs de la SF américaine. Tous les détails à www.présencedesprit.com. Le podcast de SF littéraire, Utopod, vous présente Plier Bagages, paru en 2006 aux éditions Zoé dans l'anthologie Et si une Suisse fantastique m'était contée. Un texte drôle, tendre, plein de malice, profondément autochtone, qui fera bien rigoler les connaisseurs de culture helvétique, mais pas seulement. Je termine ce bloc info en prêchant pour ma paroisse. En effet, nous avons complété la mise en ligne d'une mini-série audio de SF en 7 épisodes sur le site des Éditions de l'Avenir. L'Estrade, agent très spécial. Cette mini-série est reprise chez audiocité.net. Voir l'aveniraudio.canalblog.com. Chez Milady, quelques inédits prévus au programme de juin. J.R. Ward signe L'Amant Ténébreux, volume 1 de La Confrérie de la Dague Noire. Vient ensuite dans la collection SF Bienvenue en Utopia de Justina Robson, volume 1 de Lila Black. Puis, Richelle Mead offre Fille de l'Orage, volume 1 de Signe Noir. Pink du Sang, tome 1 de la trilogie du Joyau Noir, est signé Anne Bishop. Le volume 2 de La Couronne d'Étoiles, Prince des Chiens, est de Kate Elliott et s'inscrit dans la collection Fantasy. Vient ensuite Un pied dans la tombe de Jenian Frost, volume 2 de Chasseuse de la nuit. Puis Vérité première de Dan Cook, volume 1 de Vérité. Et enfin, dans la collection Horreur, Zombie Island de David Wellington, premier tome de Zombie Story. À 12 ans, Ender Wiggin a sauvé l'humanité de la menace extraterrestre des Doryfor, mais il n'aura pas droit à un retour triomphal sur Terre. Les rivalités nationales ont repris et les jeunes prodiges de l'école de guerre suscitent convoitises et craintes. On lui propose l'exil vers la première colonie humaine sur une planète prise aux Doryfor, dont il deviendra le gouverneur. Mais pour cela, il devra s'imposer face à un amiral à l'ancienne qui n'est pas prêt à s'en laisser compter par un gamin. Cependant, Ender reste rongé par son crime, le génocide de toute une espèce. Il n'a de cesse que de la comprendre et de la réhabiliter. Pour cela, il découvrira le dernier œuf de reine et cherchera désormais la planète qui saura tolérer la réapparition de la plus grande menace envers l'humanité. C'est le début d'un long périple qui durera plus de 3000 ans et s'achèvera dans la voie des morts. Chronologiquement situé entre La stratégie Ender et La voie des morts, deux romans couronnés par le Hugo en 1986 et 87, ce roman, Ender, l'exil, éclaire pour la première fois l'adolescence d'Ender et son entrée dans l'âge adulte. Publié chez La Talente pour 22 euros. Chez le même éditeur sort Le Fugitif de Wolfgang Holbein, tome 7 de La Chronique des Immortels. Sans doute, l'histoire des hommes n'est-elle rien d'autre qu'un grand théâtre. Et sans doute, est-il préférable de ne pas rester dans ses coulisses si l'on espère être entendu. En poussant la porte du très confidentiel Centre d'études et de recherche historique pour l'image, je savais à quoi m'attendre. Je n'étais venu que pour rencontrer Sphinx et lui remettre des écrits découverts lors d'une fouille dans le désert du Negev. Des manuscrits fascinants attribués à l'un des disciples du Christ et dont les révélations pourraient ébranler les fondations même de notre histoire. Excusez du peu. Sphinx a compris qu'il pouvait par ailleurs lui permettre de retrouver son compagnon, Child Kachudas, disparu 10 ans plus tôt, sans laisser de traces. Et nous voici aussitôt lancés, flanqués de sa tribu au grand complet, dans une fantastique épopée vers la Palestine du 1er siècle, au cœur des failles de l'histoire et des replis secrets du temps. Bienvenue à bord du Vertov. Second volet du diptyque inauguré par La Parallèle Vertov, les manuscrits de Kinneret de Frédéric Delmeul naviguent entre science-fiction et thriller ésotérique. Ce roman est disponible chez Mnemos pour 20 euros. Il y a 2000 ans, d'anciens Polynésiens vivant sur des îles éloignées les unes des autres sont obsédés par les formes. Néa les chasse dans les reflets de l'eau. Moana les cherche dans un tableau de coquillages et Oatu Metua dans les mots inachevés prononcés par un père mourant. À notre époque, Alpha, parti de Tahiti en voilier avec son compagnon, se met à dessiner des formes identiques aux fameux Rongo Rongo, les signes mystérieux de l'île de Pâques. Quel rapport avec Eagle, une taupe des services secrets français ayant pénétré le Pentagone, envoyant à la DGSE un curieux message où il serait question d'Alcinos, un personnage de l'Odyssée? au 51e siècle. Ce que j'ai découvert est terrifiant. Tel est le secret d'Ankor, un agent communicateur devenu célèbre dans toute la galaxie en raison de la création du vaisseau lumière polynésien. Certains tentent de prendre le contrôle de sa mémoire. Qu'espèrent-ils y découvrir? Quelle est la nature exacte de ces formes obsédantes? Quel rapport ont-elles avec le fantastique projet de civilisation de 150 milliards d'humains du 51e siècle, construire un jour une nouvelle Terre? Jean-Pierre Bonnefoy nous offre ici L'invasion des formes, tome 2 de Polynésia, publié en juin chez Buchet-Châtel. 624 pages disponibles pour 23 euros. Rob Moban, en compagnie de son inséparable ami Will Talisker, a beaucoup voyagé. Ils étaient parfois accompagnés du professeur Aristote Sombrambar. Ils sont allés en Roumanie, au Sénégal, deux fois en Écosse, au pays des Cathares, dans le Valais, en Corse, dans l'Illinois, à Saint-Hélier, à Liège, bien sûr, et même dans le Minapianga. Mais pour savoir où se trouve cette contrée, il vous faudra lire la dernière nouvelle de ce recueil. Ils ont souvent été opposés à leur ennemi habituel, l'odieux sombre jaune, mais aussi à Gordonitz, l'homme aux dents d'acier, à des vampires garantis d'origine. Ils ont dû lutter avec, ou contre, une bonne partie du panthéon gréco-romain. Ils ont parlé avec des baleines, ils ont aussi rencontré Thor et le Bouddha. Ils ont même eu la vie sauve grâce à un vieil homme aux cheveux blancs et à l'audace illimitée. Mais, pour découvrir de qui il s'agit, il vous faudra lire la dernière nouvelle de ce recueil. L'auteur, Alain Lebussy, fait un énorme clin d'œil à Bob Moran avec ce recueil de nouvelles, on l'aura deviné. Et ce n'est pas sans nous faire sourire. On y trouve l'inquiet des Carpates, les crapauds du sombre jaune, le secret des dieux, le mystère d'Urgard Glen, la paix du baladin, la vasque de jade, SOS WWW, le monstre jaune, Rob contre Will, l'étoile sur la lande, l'homme aux dents d'acier, la poupée aux œufs d'or, lunette plus ultra. Et c'est disponible chez Eon, 340 pages pour 25 euros. Julie Constance, artiste peintre, vit repliée sur elle-même depuis la mort de son père, rongée par la culpabilité. Elle ignore être la dernière descendante de l'ordre de Constantinople et qu'un contrat a été placé sur sa tête, ou plutôt, sur son âme. Chargé de cette mission, Caïn, l'un des premiers hommes à avoir été changé en démon, n'apprécie pas spécialement la tâche qu'on lui a assignée. Leur rencontre éveillera chez l'un comme chez l'autre des sentiments qu'il croyait jamais disparus et interdits. Premier volume de Le cycle des enfers, Angélique Ferreira signe Entre ciel et enfer. Disponible chez Cauchemar pour 16 euros. Voilà qui termine cette émission. Merci de votre attention. À bientôt.